François Morel, c'est à vous. Il est latéral droit au sein du PSG, ce fameux footballeur du nom de Serge Aurier. En ces temps où l'on bride aisément la parole, il lui est arrivé, comme on dit, des bricoles. L'insincère copé anti-langue de bois l'a fustigé jadis, mais ne connaissait pas celui qui s'exprima en toute liberté, l'illustre footballeur du nom de Serge Aurier, qui peu s'est encombré de vertus rhétoriques, qui a usé d'un ton fort peu diplomatique, qui discourt comme on pète et parle comme on rote, qui a utilisé deux mots guignol et fiotte. Réjouissez-vous, vous tous, qui critiquez la secte des politiquement bien pensants et corrects. Voici un homme enfin qui dit tout ce qu'il pense, remet au goût du jour l'insulte qui offense, les homos, les pédés, les tarlouses tafioles. Bravo, n'hésitez pas, faites donc une idole de ce latéral droit jouant au PSG, l'inouï footballeur, footballeur du nom de Serge Aurier. Il s'exprime tout droit, honnit la périphrase, la circonlocution. Soyez donc en extase, il se sert assez peu d'allusions, de litotes, mais a utilisé deux mots, guignol et fiotte. De nos jours, un champion sportif de haut niveau se doit de s'exprimer pour tous les jouvenceaux qui écoutent béat la parole d'un maître, dispensant sa pensée qu'il désire connaître. Laurent Blanc prend les couilles de Zlatan, mon cousin, a affirmé Aurier, tandis que les poussins, les cadets, les scolaires, les espoirs, les minimes, ainsi bénéficient de la pensée intime du footballeur si doué d'une flèche acérée qui se prénomme Serge et se nomme Aurier, de cet homme important, idéal mascotte, qui parla notamment de guignol et de fiotte. Honneur et loyauté sont des mots démodés qui ne sont plus beaucoup de nos jours employés. Des écolos hier tweetant rageusement contre le président et le gouvernement, comme par enchantement sont devenus ministres. Honneur aux margoulins, aux charlatans, aux cuistres. Oublions ces fâcheux avec leurs fariboles. Laissons-les diriger leur triste farandole. Loin d'eux, je rêverai de prendre mon envol avec un chasse-spleen ou un bon pomerol. Sans cérémonial et sans grand protocole, revendiquons-nous tous grosse fiotte et guignol. François Morel, merci, qui arrive à faire rimer tafiole et pomerol et litote et fiotte, voilà, entre autres choses. Bravo François.